neuf, docteur? À la radio, bien souvent, on nous donne des cours d'histoire, de cuisine et d'anglais. Tous ces sujets n'intéressent personne, mais moi je sais bien ce qu'il nous plairait. La Bistro Lapinothèque, c'est de la diffusion de brochures, de livres, de disques, de vinyles, du mouvement social, du punk, des zombies, de la marée chaussée pendue par ses pieds. C'est à l'écoute de la Bistro Lapinothèque dans l'émission Tranche d'Anard sur Radio Air Libre. Tranche d'Anard, c'est tous les mercredis de 20h30 à 21h30. Et la Bistro Lapinothèque, c'est le dernier mercredi de chaque mois à 20h30. Tout ce bazar écoutable sur le 87.7 FM à Bruxelles et partout dans le monde sur radioairlibre.net. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons! Hey, salut les vieilles limaces baveuses et véreuses! Bienvenue à la Distro Lapinothèque du mois de février 2022. Cramponnez-vous à votre siège éjectable. Nous vous avons concocté une émission spéciale Chéri Bibi avec une interview exclusive de Daniel, l'illustre fondateur et grand créateur de ce magnifique fanzine de culture populaire. D'ailleurs, ce beau monde de l'underground prolétarien fête ses 30 ans en grande pompe. Sortez les nunchaku, les tronçonneuses de vinyle introuvables, de 1000 fanzines s'épanouissent. Il y aura des concours à gogo, des feux d'artifice de joie, du rock'n'roll et pas que fait par des mecs. Ben oui, c'est ce qu'on apprend dans la revue Chéri Bibi. Le rock'n'roll a été inventé par des meufs. Tiens, et toc dans tes couilles. Et puis on finira la soirée en s'écoutant de la musique sauvageonne, du rock énervé de meufs uruguayennes, du Ghost Rider de Derrière les Fagots, de l'électropunk de Detroit avec Adult en concert au mois de mars à Bruxelles. Donc restez attentives, il y a du concours toujours, plein de choses à gagner et du temps à perdre son dentier. Mais avant de s'amuser comme des petites fofolles, j'ai deux choses graves à vous annoncer et malheureusement, c'est du sérieux. D'une part, cette plus que possible guerre en Ukraine, où les enjeux géostratégiques et économiques de part et d'autre, États-Unis, Europe et Russie-Chine, sont d'une flagrance tragique. Évidemment, il s'agit d'enjeux commerciaux énergétiques liés à la production de gaz, ainsi que des enjeux militaro-stratégiques. Donc, nous nous devons de vous inviter à vous informer de manière critique sur la chose. Je vous conseille d'ailleurs de regarder ce que le Canard Réfractaire a publié sur la toile YouTube à ce sujet. D'autre part, et dans un tout autre registre, nous avons une malheureuse nouvelle à vous annoncer. Nous battons pavillon noir, car le camarade guitariste du groupe mythique Patato Punk Les Slugs, c'est-à-dire Michel, connu aussi sous le nom de Run ou encore Michou, est décédé récemment. Il a été brutalement emporté le dimanche 6 février 2022 par un cancer qui ne lui a laissé aucune chance. Nom de Dieu, repose in punk Michel, et roulement de tambour pour Michou. De s'écouter les Slugs avec le titre Eric Erak. Et on change de disque complet avec Willie Mae Thornton, plus connu sous le nom de Big Mama Thornton, née en 1926 en Alabama. C'est une chanteuse de blues assez peu connue qui a notamment marqué les esprits avec sa chanson Hound Dog. Dans le fanzine Chéri Bibi, il y a justement un excellentissime article qui rend justice quant à l'invention du rock'n'roll par les femmes. Mais je bavarde trop, on s'écoute Hound Dog de Big Mama. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. You told me you was high. Accusés d'un vol qu'ils n'ont pas commis, n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, ils fuient sans cesse devant leurs poursuivants. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul. Chéri Bibi! Téléguidé depuis Orion par le magnanime Titi le grand poulpe électronique, nous écoutons la délectante interview de Daniel de la revue fanzine de culture populaire Chéri Bibi, qui fête ses 30 ans avec la sortie de son 12e numéro. Cette interview a été co-réalisée par Fabien Lapin-Ressac et Titi Lavermine Interstellaire. Salut camarade Daniel du mythique fanzine Chéri Bibi. Bienvenue à toi pour cet échange certainement épique. Oui, salut à toi, camarade de la distro Lapinothèque, non moins mythique. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite impression fugace fut le fait de venir ici à Bruxelles pour fêter les 30 ans de la revue et la sortie du 12e numéro d'usine. Alors, on va pas faire le sommaire de ce numéro 12 de la revue Chéri Bibi. Les curieux et curieux n'ont qu'à sortir de leur burger douillet et dévorera par eux-mêmes ce joyau de la contre-culture populaire. Mais raconte-nous l'histoire de ce fameux gros sujet, délinquant juvénile, Bad Girls. D'où sont venues les vibrations qui ont motivé l'écriture? Ah, je croirais entendre Titi himself. Il y a une sous-question. Hein. Tu la veux tout de suite? Je l'ai perdu en route, vas-y. Ah non, une sous-question après. Ouais. Mais je vais peut-être, tu veux, je raconte comment, pourquoi oui. J'ai fait pour ce 12e numéro un sujet Bad Girl. Alors, c'est une histoire d'une rencontre qui est liée plus ou moins au premier confinement en 2020. J'étais en train de préparer le numéro précédent, qui est sorti le numéro 11, qui est sorti en octobre 2020. Donc on devait être en juste avant le premier confinement. J'ai reçu un fanzine que fait un pote de Toulouse qui s'appelle Up the Zine, qui est un fanzine qui chronique que des fanzines punk ou assimilés et qui interviewe que des fanzineux, comme on dit, des créateurs de fanzines, issus du milieu punk ou assimilés, pareil, voilà. Et c'est toujours très intéressant, moi c'est un peu ma presse professionnelle, tu vois. Ah oui. Et je lis une interview d'un gars qui s'appelle Slim Bouen, qui fait un fanzine qui s'appelle Slime, qui de Besançon. Et je connaissais son fanzine sans l'avoir lu par les chroniques des précédents numéros de Bzezine, qui est une petite institution. Et je trouve son interview super, enfin ça m'emballe, vraiment on est sur la même longueur d'onde, culture populaire, etc., tout ça. Et du coup, il y a son mail, donc je lui écris, j'ai dit, écoute, j'ai lu ton interview, et puis on entame une correspondance comme ça, pendant le confinement. D'abord par mail, puis après par téléphone, mais d'abord par mail. Bon, d'abord, voilà, quittez, toi, Il m'envoie son fanzine. Je lui propose un échange, évidemment, puisque le sacro-saint principe quand tu fais un fanzine, c'est de faire des échanges. C'est quand même vachement sympa. Donc je lui envoie des chiribibi. Lui, pareil, il connaissait de nom, mais il n'avait jamais lu. Et moi, pareil pour son zine. Et lui, il fait un zine garage, beaucoup très garage rock, garage punk, mais avec aussi du ciné et beaucoup de littérature. Polar et tout ça. Et donc, je reçois son fanzine, je le lis avec intérêt, ça m'intéresse, et je lui dis, bah voilà, est-ce que ça te dirait de participer au Chéri Bibi, moi, ça propose un sujet, et puis comme ça, on commence à discuter. Et il me dit, bah moi, je vois que t'es assez intéressé, enfin, c'est récurrent dans le Chéri Bibi qu'on s'intéresse, comment dire, à la place des femmes dans la culture populaire. Donc, du coup, il propose un truc sur les pionnières du rock'n'roll. Et on discute des pionnières du rock'n'roll, on s'échange, puisque moi, c'est aussi, j'écoute beaucoup de rockabilly, je suis fan, on a déjà publié une interview de Wanda Jackson, dans Chéri numéro 5. Voilà. Donc, on discute. Ça devient, donc, le premier dossier, on va dire, de 15 pages du dernier numéro, qui est « Les femmes ont inventé le rock'n'roll ». On l'écrit finalement à deux, en rajoutant, en remontant jusqu'au blues. Et moi, j'ai toujours plein de sujets d'avance, mais des embryons des fois de sujets. Et je lui dis, bah voilà, j'ai un sujet, moi, sur la culture GD, c'est-à-dire la culture de la juvenile delinquency. C'est-à-dire que la notion, je vais résumer très vite parce que ça peut être très long, la notion d'adolescent est vraiment apparue, a vraiment été conceptualisée à la fin des années 40, aux États-Unis, mais enfin, dans le monde, c'est-à-dire qu'avant, il y avait des enfants délinquants et tout, mais ce palier qui existait pourtant n'était pas défini. Ce palier entre l'âge adulte et enfin l'enfance et l'âge adulte. Et du coup, il y a une production incroyable, surtout aux États-Unis, mais pas que. Il y a une production incroyable entre la fin des années 40, entre 49, on va dire, et 59, de films, de romans, d'études, d'articles de presse et tout, sur la délinquance juvénile, qui est le nouveau fléau après la Seconde Guerre mondiale, qui menace la démocratie, avec évidemment le communisme, mais dans certains films, d'ailleurs, on apprend que les adolescents sont manipulés par des communistes en sous-main. C'est encore plus... Bref, c'est totalement relié avec l'émergence du rock'n'roll, évidemment. Et voilà, on a décidé de bosser là-dessus. Et c'est très intéressant parce que ça amène... moi, j'ai relié ça au discours qu'on entend aujourd'hui sur les affreuses bandes de jeunes, machin, que c'est un phénomène... À chaque fois, on nous rabâche. Et même... C'est une paranoïa... Je ne sais plus comment... C'est le terme, c'est paranoïa sociale. Moi, je ne sais plus, je l'utilise dans le zine. Il y a un terme pour ça. Mais voilà, on nous rabâche que tout d'un coup, ça fait nouveau, alors que, bon, des ados qui se mettent sur la gueule et font des mauvais coups. Et on s'est particulièrement intéressé aux femmes, enfin aux jeunes filles, aux adolescentes, parce que évidemment, il y a un enjeu qui est celui du corps des femmes, de l'emprise de la société sur le corps des femmes qui ne peuvent pas en disposer évidemment elles-mêmes à leur propre gré, alors que les garçons sont beaucoup plus libres à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en gros, un garçon va s'inquiéter qu'il se prenne un coup de couteau ou qu'il fasse un larcin et tout, mais on va pas s'inquiéter pour sa sexualité. Alors qu'évidemment, la sexualité des filles est totalement taboue. Et on le voit encore maintenant, c'est pour ça que j'ai eu l'insigne honneur de commencer, entre autres, le dossier par une citation d'Emmanuel Macron, monarque de la France, qui disait que, voilà, que c'était horrible, les filles qui dévoilaient leur nombril au collège, et que c'est la porte ouverte à toute la déchéance de nos démocraties, etc. Donc voilà, on s'aperçoit qu'aller chercher des choses dans le passé, rien n'a changé en fait. On retrouve les mêmes discours, aussi bien dans les choses progressistes qu'il y a aussi. Hein, il y a des années très très progressistes dans les années 50 par rapport à l'adolescence. Il n'y a pas que des trucs négatifs, que ce soit à travers les films, la fiction ou des études. Et comme nous on s'intéresse dans Chéri Bibi à la société vue par sa culture, quoi, à la politique vue par la culture et non pas la culture vue par la politique. Je sais pas si je suis très clair, mais en gros, on prend le politique et le social par le culturel plutôt que prendre le culturel par le politique et le social. Donc, voilà, c'est vachement bien. Et puis en plus, c'est un prétexte à mettre plein de super images, couvertures, illustrations d'époque et tout ça, une iconographie riche qui plaisir des yeux et plaisir de neurones. La petite sous-question. Au fait, Myriam Lina, tu l'as croisée en allant chercher ton croissant avant d'aller au Turbin ? Alors, Myriam Lina, pour les personnes qui ne la connaissent pas, ce fut la première batteuse des Cramps en 1976. Les Cramps, pour les personnes qui ne connaissent pas, je ne peux plus rien pour vous. Donc, Myriam Lina, elle a fait le label Norton, qui est un label qui a beaucoup fait de ressortir. Enfin bon. Elle fait plein de choses, Myriam Lina, et notamment elle a fait un fanzine dans les années 80, dans les années comment vous octant non 80 à 80 oui c'est 90 c'est pour, juste pour les années 90 en fait. On n'est pas si différents. En fait. Et dans les années 80, moi, c'est moi qui voulais faire couleur locale. Elle a fait un fanzine qui s'appelle Bad Seed, donc mauvaise graine, qui a fait je sais plus 5 numéros. Et qui parlait justement de toute cette littérature et ce cinéma de délinquants juvéniles. Et c'est la première vraiment à s'y être intéressée, puisque c'était considéré comme la sous-littérature et totalement méprisée. Donc il n'y avait pas d'études. Enfin, et ça datait de quand c'est les années 50, les années 50. Non, mais c'est ces journaux. Les années 80, début des années 80. Et elle a rencontré des auteurs, etc. etc. Et donc on se disait que ce serait l'idéal de l'interviewer. Et on a fini par la convaincre, c'était dur parce qu'elle est très un peu introvertie, enfin très timide. Et voilà, on a fait, en fait, c'est marrant parce que vu la technologie moderne qu'on apprend avec les différents confinements, c'est qu'on a fait un Zoom, elle à New York, moi à Ivry-sur-Seine, donc en région parisienne, et Sylvain à Besançon. Et voilà, finalement, le courant a très bien passé, on a fait 2 heures. On a commencé, évidemment, comme je ne savais pas, vu que ça, on avait vraiment eu du mal à la convaincre si elle allait nous accorder beaucoup de temps, on a d'abord commencé par la partie qui est dans ce numéro-là, c'est-à-dire où on parle justement de ces problématiques de délinquance juvénile, de la littérature, etc. Et dans le prochain Chéri Bibi à sortir l'année prochaine, je pense début 2023, il y aura la suite où elle parle beaucoup plus de son parcours, de son label et tout ça. Personne très intéressante, très chaleureuse. Super rencontre. Chic alors. Ouais. Et la voir, c'est vrai qu'avec Zoom, par rapport au téléphone, moi j'ai déjà fait des interviews par téléphone, j'aime pas, d'habitude je préfère vraiment faire des interviews en direct, en face à face. Et le fait de voir la personne, je pense pas qu'on aurait fait 2 heures comme on a fait là d'interview si on avait été juste au téléphone. Voilà. Petit point technique pour les futurs intervieweurs. On en parlait, on s'écoute. Myriam Linat avec son band The Ebone avec le titre sorti en 88, A Bomb Bob. -4, -3, -2, -1, blast off! When you hear the music, whistle, let it roll around. interview avec Daniel du fanzine Chéri Bibi, nom d'un camembert Shaolin. Alors, quand on feuillette en toute légèreté les 12 magnifiques numéros de la revue Chéri Bibi, on est frappé par un maquettage et une esthétique d'outre-temps. C'est assez étonnant, on est plongé dans les textures et un graphisme des années 50, 60, 70. On pourrait presque croire que tu n'utilises pas d'ordi. Raconte-nous ce choix esthétique et l'un ou l'autre secret de cuisine interne. Oui, j'ai pas utilisé d'ordi pendant longtemps parce que j'ai commencé en 91. Donc à l'époque, photocopie, cutter, bombe de colle repositionnable, Tipex, enfin du blanc là pour les traces de collage se voient pas à la photocopie. J'aime beaucoup le Tipex à l'alpinothèque. Voilà, tout ça. Fait un numéro en sérigraphie, enfin bref, plein de choses comme ça. Et puis l'ordinateur, c'est au début, en fait, je tapais à la machine. Et puis après, je découpais mes colonnes de texte en coupant les lignes. C'est un peu fastidieux quand même. Après, disons qu'il y a un autre rapport au corps, c'est dommage quand je suis passé au tout informatique parce que j'ai un numéro en 2006 qui a été imprimé entièrement en offset. Donc il fallait que je file un fichier à l'imprimeur et depuis c'est en offset. Et j'ai dû faire le choix de. Je pouvais pas faire avant, je tirais à 300-400 exemplaires, photocopiés, pliés à la main avec des pliages totalement barrés. Il y avait des fois 6 agrafes. Mais d'ailleurs, il y a. Tu as dans ton numéro, il y a tout un historique. Oui, j'ai fait un historique numéro par numéro, avec des petites anecdotes. Pas forcément, ça donne. Il y aura un bouquin à écrire sur 30 ans de fanzine, évidemment, mais ce serait pas très intéressant, je pense quand même. Mais bon, enfin, voilà, pour donner une idée, que aussi les. La manière de faire change les choses, mais du coup, j'utilise encore l'ordinateur comme. Avec mes réflexes de couleur d'image et de donc je fais pas des super effets de ouf sur Photoshop de je sais pas quoi tu vois. Mais tu mets d'abord les images et puis le texte, c'est ça hein? Ça dépend vu que c'est une interview donc le texte est déjà là puisque j'ai déjà retranscrit ou quand c'est des articles d'autres personnes parce que j'ai pas vocation à faire tout le chahut moi-même, il y aurait pas assez de. Je pourrais, en fait, avec le matos que j'ai, mais il n'y aurait pas de diversité... de diversité de ton, autant. Quand c'est mes articles à moi, je maquette d'abord. Je fais d'abord la mise en page, les images et tout, avec du faux texte, pour voir à peu près le nombre de signes, et après j'écris. Donc, voilà. Pourquoi ? Bah, parce que ça te permet d'être au plus près de ta mise en page, tu te restreins pas. Si tu veux, si t'as... Oui, sinon tu risques de te dépasser, bon, d'être à une autre page, ouais, c'est ça. Mettons, regarde, tu fais une maquette, tu mets ton texte au bon corps de police, etc., de caractère, que tu veux, etc. Mettons, tu vas avoir 4 pages de texte. Si tu mets les images, tes 4 pages vont devenir au moins... 5 à 6. Voilà. C'est plutôt 6 à 7. Tu vois, si tu mets... Moi, je mets beaucoup d'images. Voilà. Donc, là, tu vas pousser. Mais dès le départ, en fait, tu dois faire quand même un chemin de fer. C'est-à-dire, tu dois faire un... Vu que tu rajoutes pas des... Moi, j'ai 132 pages, c'est 132 pages. Je ne dis pas ce numéro, je vais avoir 134 pages. En plus, ce qui ne serait pas possible, parce que ça marche pas. C'est quand même déjà beaucoup. Oui, mais j'ai... Enfin, je peux pas résumer 30 ans de non. Mais disons que je c'est de la tambouille, c'est du collage quelque part, quoi. Ça reste. Je sais pas le dire vraiment de. Si c'est très intéressant, je veux pas rentrer dans le truc trop technique, mais. C'est. Ce qui est intéressant, c'est que c'est ton sujet qui va te porter ta mise en page. Quand tu fais un fanzine, même s'il y a des occurrences comme des titres, des trucs classiques qui vont se retrouver. L'idée, c'est que chaque numéro soit différent parce que finalement, c'est ton sujet. Moi, c'est selon mon sujet que je choisis la typo des titres, par exemple. C'est selon l'iconographie que j'ai que je vais dire, tiens, telle mise en page, ça va faire ça parce que celle-là, je vais la faire à pleine page, donc ça va faire tant de place, etc. Mais faire ça en amont pour 132 pages, ça demande à faire beaucoup de chemin de fer différents avant de trouver le bon. Ça change encore de route. Enfin, c'est un gros bordel, ouais. En gros. Beaucoup de stress, de trucs et tout. Mais à l'arrivée, c'est du plaisir parce que tu es libre et tu sers vraiment ton sujet. Mais encore une fois, quand j'ai fait un dossier, là, je ne sais plus, ça fait une vingtaine de pages, le dossier sur les filles, les gangs de filles à travers la délinquance juvénile, à travers la culture. En vérité, j'ai fait à peu près un an de recherche J'avais déjà des trucs, mais j'ai fait un an de recherche, à lire des bouquins, à voir des films, à chercher de l'écono et tout. En vérité, j'avais de quoi écrire un bouquin. J'aurais pu écrire un bouquin de 200 pages, mais finger in the nose. Enfin, ça m'aurait pris du temps, même. Oui. J'avais de quoi. Donc, j'ai résumé. Il y a des trucs que j'ai pas pu mettre à la fin, des images que j'ai pas pu mettre, machin, des images que j'ai mis trop petits quand même. Ouais. Mais je sais que les lecteurs. Moi, j'aime beaucoup les fanzines. Alors, je vais citer des fanzines, peut-être qui ne sont pas très connues ici, mais des fanzines anglo-saxons, comme Outré, comme Psychotronic Video à une époque. Enfin, des fanzines où il y en avait. Voilà. Je ferai une mise en page pour quelqu'un d'autre, pour un bouquin, etc. etc. Je serai beaucoup plus aéré. Là, c'est mon fanzine. J'aime bien quand il y en a plein. Après, des fois, il faut une image pleine page. Il faut des espaces de respiration. Tu vois, dans la lecture. Mais. Moi, ça me dérange pas ce foisonnement, quoi. Et puis voilà, après, tu mets le temps de le lire, tu vois les trucs, il y a des trucs qui sont trop petits et tout, je me dis, putain... Et puis aussi, travailler sur l'écran, c'est le problème, parce qu'avant, je faisais ma maquette sur sur une maquette en blanc. Je pliais des pages au format désiré, et après, je collais les aimants dessus. Donc tu vois tout de suite si ça va donner est visible. Ou pas. Là, quand tu fais sur écran, tu agrandis parce que tu es sur un détail, tu travailles un truc. Et puis après, finalement, tu t'aperçois que c'est trop petit, qu'on lit pas en fait la rondelle de disque, le titre de la chanson, parce que tu l'as mis trop petit. Et ça m'arrive encore souvent parce que, bon... Il y a trop d'images à mettre. Il y a plein de trucs. C'était gourmand. Quand tu choisis, quand tu as un sujet qui te passionne, surtout des sujets qui ont rarement été traités, voire jamais. Certains, je veux pas faire style machin, mais il y a plein de sujets qu'on traite dans Chez Huy qui n'ont soit été très mal traités, soit jamais été traités. Oui. La femme au pirate, je sais pas si ça a été fort traité. Voilà, où ça a été traité, mais dans notre plan, pas sur l'ensemble de la piraterie féminine à travers les siècles et l'ensemble de la production cinématographique et de BD, etc. Donc, il faut quand même faire un truc qui noie pas. Qu'assomme pas le lecteur non plus, tu vois, avec trop d'informations, trop de trucs, et puis qui donne envie avec des curiosités. Mais enfin, c'est de l'équilibrisme. Je ne saurais pas le définir, ça vient comme ça. Mais moi, ça m'intéresse de défricher des trucs, et puis ça me passionne. Mais là, franchement, d'ailleurs, je finis le dossier sur les gangs de filles. En disant, d'ailleurs, on aurait pu faire un bouquin, et puis d'ailleurs, il y a un éditeur qui va lire le Chéri Bibi, qui va nous offrir plein de pognon pour qu'on puisse faire un bouquin. Tu vois, moi, il n'y aura pas de problème. Il y a plein de bouquins que je serais capable de faire à partir de dossiers que j'ai fait dans le Chéri Bibi, où j'ai pas pu tout mettre les choses. L'idée, c'est de résumer quand même, de montrer la variété des choses, montrer que c'est vaste, et de résumer les idées principales, et puis de mettre quelques anecdotes quand même, parce que c'est marrant, des jeux de mots débiles, parce que c'est sympa, et puis un point de vue politique, enfin un point de vue, je veux dire, une analyse qui soit pas chiante, rébarbative, donneuse de leçons, ou prosélyte, tu vois, mais de montrer quand même, voilà... Et là, encore une fois, c'est super. Même si tu as plein d'images de jeunes filles avec des crans d'arrêt, avec des jeans, avec des revers et tout, super marrant, évidemment qu'il y a toute une actualité sur comment on définit le corps des femmes dans l'espace public et des jeunes filles, et comment on leur interdit tout, y compris l'expression de la violence, quoi. Oui, alors que là, tu montres qu'il y avait des gangs de girls. Oui, et qu'elles s'émancipaient quelque part là-dessus. Et qu'elles faisaient comme les mecs. Elles étaient peut-être sur la mauvaise pente, elles allaient peut-être finir dans la prostitution et tout, mais en attendant, par rapport au carcan incroyable dans lequel elles vivaient, c'était une émancipation aussi d'être libre de s'habiller comme elles voulaient, de sortir le soir si elles voulaient. Voilà. Et t'as ça aussi avec. Avec un truc incroyable, c'est que la culture rock'n'roll, la culture ça faisait peur à la classe moyenne et à la bourgeoisie, parce que d'une part, surtout aux États-Unis, mais pas que, parce que d'une part, tout d'un coup, les autres, ils s'intéressaient à une musique quand même majoritairement noire, même si pas que. Tu vois, donc déjà, tu vois, la société américaine dans les années 50, il n'y a pas besoin, je pense, de faire un cours d'histoire. Et ensuite, surtout... ils adoptaient des esthétiques et une culture qui était celle des prolos. Tu vois, quand ta fille, elle se ramène en jean tout d'un coup, et que t'es la petite classe moyenne, petite bourgeoisie américaine, tu fais la tronche, parce que le jean, c'est un vêtement d'ouvrier, de prolo, tu vois. Donc, il y a tout ça sous-tend ces rapports de classe, de patriarcat, de racisme. Tu vois, il y a plein de choses, finalement, qui affleurent dans les... Là, il y a Sidney Poitier qui nous a quittés, l'acteur Sidney Poitier qui est mort récemment. Faut voir Graines de violence, Blackboard Jungle. C'est un film merveilleux. Il est sorti la même année que La Fureur de Vivre, qui est un très bon film, hein, avec James Dean. Mais dans La Fureur de Vivre, James Dean, c'est un fils de la classe moyenne, qui, parce que le cinéma a tout de suite déverrouillé ce côté un peu aseptisé ce côté de classe sociale, tu vois. Donc, oh là là, les jeunes de la classe moyenne qui vont mal. Mais en fait, t'avais des mômes à la rue à New York, etc. Donc, ils faisaient des bandes parce que c'était leur seul moyen de survivre dans la rue, même s'ils avaient, des parents... voilà, bref, je ne veux pas rentrer dans... C'est un très vaste sujet et qui est totalement d'actualité. Voilà. Bois un petit coup. Petite interlude musicale avec The Cramp en 86 avec le presque jusqu'à propos « What's Inside the Girl ?» Avec ce très cher Daniel du fanzine de culture populaire Chéri Bibi, disponible dans toutes les bonnes distros, c'est-à-dire chez nous aussi. Moi j'avais aussi une petite question pour... C'est aussi la marque que moi, Chéri Bibi. Pourquoi t'as choisi Orange Mécanique pour mettre en couverture? Parce que tu n'en parles pas d'Orange Mécanique, enfin très peu. Je le cite un tout petit peu, ouais. je le cite un tout petit peu. Mais l'esthétique est particulière. Hein. Oui, ben, je cite Orange Mécanique parce que le roman a été écrit au tout début des années 60, si je me rappelle bien, 62, je crois. Et le film, évidemment, date de 71, et Kubrick a adapté l'esthétique du film à son époque, c'est-à-dire au look des Boot Boys de l'époque, évidemment. Voilà, puisque les personnages dans Orange Mécanique, le gang de drogues n'est pas du tout habillé pareil que dans le film, hein, pour ceux qui ont lu le livre. Bref, non, parce que esthétique, c'était un clin d'œil. Tu cherches, si tu veux. Moi, je mets pas de... Il n'y a aucun chéri-bibi qui a le même titre. Il n'y a pas de logo. Je suis contre les logos. Je trouve que les logos, c'est pour les yaourts, tout. La Nike ou ces conneries. Moi, je ne fais pas un produit. Donc, chéri-bibi, c'est écrit de chaque fois de manière, dans une typo différente sur la couverture. Le titre du canard. Et le challenge, c'est justement que les gens reconnaissent quand même que c'est un chéri-bibi. Que c'est un numéro de chéri-bibi. Voilà, il y a un fond uni généralement. Enfin, il y a des petits trucs qui sont issus d'ailleurs de l'esthétique des pulps des années 40, 50 et 30 que j'aime beaucoup. C'est-à-dire un fond uni, une image qui se dégage, un titre et tout. Et là, en fait, on a redessiné avec un pote, mon pote Fanfan, on a redessiné la typo de Orange Mécanique. Pour faire chéri-bibi avec, voilà, mais ça s'est fait, c'était une idée comme ça, j'étais parti sur notre idée, puis j'avais fait des essais, et puis il y avait la référence délinquance juvénile, oui, Orange Mécanique, clair, oui. pouf, et puis c'est quand même un film, moi j'avais l'affiche dans ma chambre quand j'étais môme, même des années avant de le voir, tu vois, quand il est ressorti dans les années 90, je me rappelle, c'était un mercredi, j'étais venu au lycée avec un chapeau melon habillé tout en blanc avec des rangers et des bretelles, et puis après j'étais tout seul dans le cinéma le voir au milieu de la salle habillé comme Alex, tu vois. Bon, bref, c'est une référence. J'écoutais les Addicts, Major Accident, les Berus, tout ce qui avait utilisé l'imagerie. C'est une référence. Et d'ailleurs, tout le monde, alors qu'il n'y a pas marqué Orange Mécanique, il y a juste la typo et tout. Tu as la preuve que c'est une référence qui est passée dans le... C'est que tout le monde a vu la référence. Quoi. Oui, tout à fait. Donc, voilà. On va se claquer un morse d'actualité et de réflexion ouverte. Ah bon? Tu en penses quoi de la production contre-culturelle populaire en ces temps sombres de pandémie mystique ? Faire des zines, de la radio libre, organiser des concerts sous le manteau ? Bah, le problème, c'est que le manteau, il est de plus en plus petit, là, en ce moment. Hein. Mais ouais. C'est super, mais c'est vital. C'est vital, si tu veux. C'est ce que j'essaye d'expliquer souvent, c'est que même si tu fais pas... bon, je vais prendre l'exemple des fanzines, mais tu peux la rattacher à la musique, évidemment, à faire des films, à tenir un cinéma ou une radio, hein, bien sûr. Mais à partir du moment, même si le contenu de ton fanzine n'est pas explicitement politique, ou même si tu ne vois pas le fait, dans une société du tout prémâché, etc., de faire toi-même ta propre presse, c'est un acte politique. Même si tu ne fais pas un fanzine politique. Tu vois. Le fait de faire un fanzine, c'est un acte politique que tu t'en aperçoives ou pas. Même si c'est un fanzine de manga, un fanzine de poésie, un fanzine sur les bicyclettes, peu importe le sujet. La preuve, les premières fanzines punk où ils ont commencé à parler en Angleterre des règles, de la menstruation, il y avait ça aussi dans les premiers fanzines punk dans les petits bleds. Il y a un documentaire, vous pouvez le trouver sur YouTube en anglais, non sous-titré, sur un fanzine qui s'appelait Guttersnipe, en 77-78, dans un petit bled d'Angleterre dont je ne me rappelle plus le nom, une petite ville anglaise. Et donc des punks qui étaient très jeunes à l'époque avaient utilisé l'espèce de MJC, le centre social du coin, de jeunes, pour faire un fanzine qui parlait à la fois de punk, puisque la presse n'en parlait pas, donc la musique qu'ils écoutaient, et ils sont mis à parler aussi dedans des menstruations, du cycle menstruel, de contraception, tu vois, donc de trucs qui touchent à l'intime. La musique aussi touche à l'intime quelque part. Donc, dans une société où t'as une injonction à être dans le, à être uniquement un consommateur, devenir acteur, c'est toujours un acte poétique. Quelle que soit d'ailleurs l'idéologie que tu promeus, hein, ouais, ou que tu transmets. Hein. Voilà. Je pense que c'est une réponse très sérieuse. Oui, mais... trop peut-être. Mais on se marre bien quand même. Attends, faut savoir aussi que c'est un gros plaisir. Non, mais il y a quand même une dimension de plaisir, de toute manière. Oui. Il y a un côté résistance, que tu le saches ou non, mais y a, quand tu t'en aperçois ou non, mais il y a quand même une dimension de plaisir. Tu fais d'abord un fanzine parce que t'aimes faire un fanzine. Tu fais une radio parce que t'aimes faire une radio. Tu vois, oui. Ça va ensemble. Tu passes pas ta nuit à râler parce que tu es en train de faire le chéri bibi. Non, au contraire, non, c'est super. Moi, quand je passe une nuit blanche à être sur le fanzine et que le lendemain, à 9h, je suis au boulot et que j'ai pas dormi de la nuit, bah, j'ai une pêche d'enfer, quelque part. Tu vois, je suis claqué, je suis au bout de ma vie, mais je suis pas déprimé du tout. J'ai passé la nuit à faire ce qui me plaisait. Et dormir, c'est pour les lâches. Tu vois, ou les neurasthéniques. Alors, Neuroleptiques. Non, comment, ouais, enfin, c'est ceux qui s'endorment. Neurasthénie. Oui, non, je ne sais plus ceux qui s'endorment là, tout le temps. Ah, oui, soit. Vous chercherez dans votre dictionnaire médical. Enfin, pour conclure, dans ton zine, on croule sur les références musicales. Donc, on a fait notre supermarché de ce que d'introuvable. Mais on est sympa. On te laisse choisir une plaque de fin. Fais-toi plaisir. Alors, il y a un truc, c'est que je peux l'annoncer parce que ça va se faire. Il se trouve qu'en... il y a quelques années, en 2013, avec un producteur ivrien, un vieux briscard de la musique qui était proche de la retraite, on a fait j'ai fait un 4 CD, un coffret de 4 CD qui s'appelle Before Reggae, qui est en fait sur l'émergence de la musique jamaïcaine entre 1951 et 1962. Donc avant le, enfin jusqu'au ska, mento, calypso, rock and roll, doo wop, twist, enfin, tous les et en fait donc ça avait, voilà, ça avait eu son petit succès d'estime très confidentiel et on a toujours d'ailleurs s'il y en a que ça intéresse, mais voilà, j'en ai ramené. Mesdames et messieurs, amis et amis transgenres, amis et amis transgenres, mesdames et messieurs, c'est parti pour le grand concours de la distro Lapinothèque. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on gagne? Non pas cette magnifique compile Before Reggae, mais un exemplaire de ce fameux 12e numéro de Chéri Bibi avec ses 130 pages de pure culture populaire souterraine, plus un t-shirt Chéri Bibi inédit avec la couverture de cette fameuse 12e édition. Et en prime, un badge fait main. Oui, oui, vous avez bien entendu, un badge fait main par le grand Manitou, le grand poulpe visqueux, la tigresse des ténèbres. Mais, ne nous égarons pas. Soyez attentives, après le morceau que je vais vous passer, il y aura un extrait de percussion. La base rythmique de cet extrait se trouve justement dans le morceau précédent que vous aurez écouté. Eh bien, la question est, de quel style musical est ce court extrait sonore? Dit autrement, quel est le style musical de cet extrait sonore de percussion? Et si par le plus grand des malheurs, vous arrivez à m'expliquer grosso merdo l'origine socio-historique de ce rythme, je vous invite carrément au resto. Donc, si vous avez la réponse, soufflez-le à votre voisine. Et écrivez-nous à lapinothèque@riseup.net. Je vous répète, lapinothèque@riseup.net avec la réponse bien entendant. Allez, on s'écoute d'abord une plaque de cette fameuse compile Before Reggae avec Lord Fly et Dan William and its Orchestra, sorti en 51 avec le titre Way Way Way. Worries and the troubles of this blooming life make me say why. You figure and you fret, you even cuss your wife, and then you why. There is none of this, none of that, and what a rule. There's none like a convent school. For every time you turn, you feel like a fool. It is why. I take me gala pictures last Sunday night. It was why. I stand up in a line until I catch a fight. It was why. One boy come push me gal, him say move down child. Me a stand up in me skin, me blood start to boil. I pick him up and lick him down inside a mile. It was why. Thank you. lick him up, I lick him down and slide a mile. It was why? I make him cut a boost around him, bimty, bumty, bim, why? That night the braces broke and then him trousers dropped. He slide unfortunately in the hands of a cop. That night the policeman and beat him up as a pup. It was why? Fish, no herring, no pork, no tile, this is why? Not a box of matches in a 1,000 miles, it is why? Now I can't get me up when me dumpling boil. So what you think I do after a hard day's toil? I run to my Linda, she's my Kingston child, and then me why? Pour conclure, on écoute une dernière fois Daniel du fanzine Cherry Bibi qui poursuit sur une future compile musicale de blues rock rockabilly inspirée de ce fameux article « Les femmes ont inventé le rock'n'roll » sorti dans le dernier numéro de la revue. Et là, en fait, l'autre fois, je viens de sortir le dernier Cherry Bibi. Comme ça, ça revient au début de l'interview quand je parlais des femmes qui ont inventé le rock'n'roll. Et nous, on le prouve. Le même producteur qui est maintenant à la retraite et qui s'emmerde un peu à la retraite me branche en disant tu veux pas qu'on fasse un truc, et du coup on va faire là, a priori ce sera un double CD avec une quarantaine de morceaux et un livret explicatif sur pour illustrer musicalement l'article. Donc il y aura un livret hein, qui pourra, on n'a pas obligé de lire le Chéri pour piger de grandes causes. Et donc il y aura une quarantaine de morceaux entre le blues, les premiers enregistrements de blues en 1920-21 jusqu'à, on va dire, la fin du rockabilly historique, c'est-à-dire 59-60. Quoi. Et alors quel disque ? Alors quel là, moi franchement, je vous mettrais Black Cadillac par Joyce Green. Vous le trouverez facilement sur les endroits où on trouve de la musique quand on veut pas se fouler. C'est un morceau qui a été écrit par une adolescente et avec sa sœur. Elle devait avoir 16 ou 19 ans, je ne m'en rappelle plus à l'époque. Elle a sorti juste ce 45 tours qu'elle a sorti sur un petit label. D'ailleurs, je l'ai emmené pour le passer au Nova. Et il était réédité depuis, heureusement. Et ce Black Cadillac, c'est une chanson où, en gros, elle dit « Tu m'as trompé, donc je vais trouver un pétard, te flinguer, et je viendrai à ton enterrement dans une belle Cadillac noire. » Voilà. Donc, bien vénère, et un super rockabilly, vraiment bien péchu. Donc, Black Cadillac de Joyce Green. Eh bien, un grand merci, Daniel. Eh bien, merci et désolé d'avoir un peu été trop bavard. Mais non, c'est parfait. au plaisir. I caught you cheating and running round. And now I'm gonna put you in a hole in the ground. I'm gonna ride at your funeral. sans aucune forme de transition, nous allons passer à un registre musical légèrement plus sauvage avec Tomboy, groupe de meufs uruguayennes. Ceci annonce dans un futur très lointain une spéciale sur le punk argentin uruguayen avec des histoires de fanzines, des groupes peu connus, une interview exclusive de Pat Pietrafesa, bassiste de Cumbia Queer, mais aussi de l'illustre groupe punk Shit Devil et Cadaveres. Mais là, on s'écoute un truc plus récent des meufs uruguayennes énervées, Tomboy. Vous avez déjà fait écouter une reprise de Ghost Rider, initialement du groupe Suicide, repris par Source Soul. Maintenant, c'est au tour de Soft Cell de nous faire tourner la tête, Ghost Rider. Let's introduce Gary Barnacle on saxophone and Mr. Clint Ruin on guest vocals. Ghost Rider, motorcycle hero. Une nouvelle fois, nous changeons de registre et on part au Michigan dans la ville de Detroit avec le duo Electropunk Adult, qui sera d'ailleurs en concert ce samedi 12 mars au Magasin 4 avec deux autres groupes programmés, Black Plague et And the Juggernaut. Concert à ne pas manquer. Là, on s'écoute Adult en concert au Music City en 2013 avec l'hypnotique titre Nausea. L'agenda, nos prochaines sorties. Donc, tous les vendredis, la Distro La Pinothèque est au Zotemorgen. C'est au 32 rue de la Grande Île à Bruxelles, près du métro Annecens, et nous sommes présents de 18 à 21h pour boire un coup, feuilleter, papoter et bien d'autres choses. Nous serons également présents le mercredi 2 mars de 14h à 22h au Bunker, la petite fanzinothèque belge qui se situe au 66A rue des Plantes, juste à côté de la gare du Nord. Il y aura un concert qui est prévu à 18h30 avec le groupe Sect et à 21h, projection du film sur deux groupes égocentriques américains. Donc vous aurez compris, thématique Sect, groupuscule, communauté. Pour partager ce que vous venez d'entendre avec d'autres ou simplement réécouter, vous trouverez tous nos podcasts radio sur les lapinselectrique.blogspot.com. Pour toute plainte intempestive, vous pouvez nous écrire un courriel à lalapinothèque@riseup.net. Vous pouvez aussi nous écrire pour être sur notre mailing list ou recevoir des infos concernant les prochaines émissions radio et nos sorties. Salut la bande, et si on se croise pas dans les bas-fonds d'un bunker anti-atomique, rendez-vous le mois prochain. Be very, very quiet. I'm hunting rabbits. Une invasion de lapins eut lieu et menace toujours. Des lapins si nombreux qu'ils mettent la vie de l'homme en danger en dévorant ses récoltes et détruisant ses biens. Le matin, et ils dormaient bien. Ils ne savaient rien et ils se sentaient bien. Ils ne pensaient à rien et c'était mieux que rien. Ils dormaient le matin et on est des lapins. La Distro Lapinothèque est un espace de diffusion de tracts, de brochures, de vinyles, de livres qui planent et plongent dans la culture punk, alternative et populaire, et dans les mouvements sociaux. Vous pouvez nous retrouver lors de concerts, de discussions pour parler, emporter ce qui vous plaît, soit après de soutien, soit après écoutant, parce qu'on fait pas de bénéf. On est sur les ondes de Radio Air Libre tous les derniers mercredis du mois, dans l'émission Tange d'Anard, à 20h30, sur le 87.7, écoutable et réécoutable sur le site de radioairlibre.net. Vous pouvez nous appeler au 02 344 58 55 ou nous écrire au 365A, Chaussée d'Alzenberg à Bruxelles.